fais? Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Oh, qu'est-ce que tu veux? Je veux rien. T'étais là, posé sur ton Macintosh comme une merde. Je veux savoir pourquoi tu pionces là comme une merde, tout seul dans la salle de classe. Au revoir. Quoi? Au revoir. Je dois bosser là, dégage. Pourquoi tu me parles comme pourquoi ça? Pourquoi tu me tutoies? Tu me tutoies? Je te tutoie. Il est quelle heure? 11h. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Je travaille. Tu pionçais comme une merde sur ton ordi. Tu trimes, mon dieu. Primo, quand on pionce, on ne le fait pas forcément comme une merde. Deuxio, moi, quand je pionce, je travaille. C'est ça. Et ma sœur, c'est la Joconde. Tu sais même pas qui c'est, la Joconde. Ah ouais? Ouais. La Joconde, c'est un tableau, pauvre naze. Toi, tu sais pas qui c'est, la Joconde. Toi, la Joconde, tu crois que c'est une station balnéaire où les gays dans ton genre vont se faire bronzer les couilles, pareil que la boule. Tu peux répéter ce que tu viens de dire? Tu me prends pour un ménate, espèce de poireau. Allez, va te faire bronzer à la boule. La boule, c'est quoi? La boule. Tu sais même pas ce que c'est la boule. J'ai plusieurs hypothèses. C'est une station balnéaire, la boule. La boule. J'y allais quand j'étais petit, la boule escoublac. La boule. La boule escoublac. La boule, la boule, rien à foutre. C'est les mêmes plages de merde avec des vieux qui achètent des glaces et se rendent même pas compte qu'ils meurent. Pourquoi tu rigoles, je te fais rire? Je parie que t'es un de ces pions de merde qui font la loi pendant 2 semaines, une dépression la 3e. Ils sont tous comme toi, tes camarades? Camarade toi-même. Tu commences à me fatiguer, Kevin. Kevin? Je m'appelle pas Kevin. Pourquoi tu m'appelles Kevin? Kevin, Brandon ou Dylan, je m'en tape. Allez, file en cours. Sale gueule. Pardon? Sale gueule. Oh, ok, ma claque, je vends le proviseur. Eh ben, il était temps. Quoi? T'es long à la détente, gros gueule. C'est quoi ce truc avec le mot gay? Je t'insulte, c'est gros tout. Gros gay, c'est une insulte. La pire. Tu t'appelles comment? Kevin, mais tu peux m'appeler Brandon si tu préfères. Dylan, c'est que pour le dimanche. Tu peux m'indiquer le bureau du proviseur? 3e étage, tourné à droite en haut de l'escalier, fond du couloir. Une porte avec écrit son nom de merde, Bellage. Tu sais lire ou faut que je t'accompagne? Tu n'as pas peur que j'aille lui dire ce que je pense de toi? J'attends que ça. Pourquoi? Les pions, c'est moi qui les place sur l'échiquier. Je ne suis pas pion. T'es quoi si t'es pas pion? T'es pas prof? Je peux pas croire qu'un prof pionce comme une merde dans une classe. Sauf si t'es aux antidépresseurs, là tout s'explique, mais va faire ta déprime ailleurs, nounours, tu fais pitié. Je te la paye, moi, ta cœur de sommeil. Je suis auteur. Auteur, quoi, auteur? Auteur, écrivain. J'écris des livres. Des livres. Tu sais, ces objets en papier sur les pages desquels sont inscrits des caractères qui permettent de construire des mots, puis des phrases. C'est bon, je sais ce que c'est qu'un livre. C'est ça. Et ma sœur, c'est la Joconde? Ah non, c'est la mienne. Tu es en classe dans ce collège? Je suis en promenade, je ramasse des pommes de pin. Cette conversation était riche et enthousiasmante, je t'en remercie. Il est temps que tu retournes en cours. Sans déconner, vous écrivez quoi? Je suis romancier. Ah ouais? Ouais. Vous écrivez des romans? C'est ça. Qu'est-ce que vous foutez là si vous écrivez des romans? Ça rapporte pas, alors vous avez déniché un job de pion pour arrondir vos fins de mois? Je suis en résidence d'écriture. En résidence, c'est pas une résidence ici, c'est un collège. Tu peux pas habiter ailleurs. Une résidence d'écriture, c'est un lieu et un temps pour écrire. T'es là pour écrire. C'est ça. Pourquoi tu pionçais? Je réfléchissais. Tu pionçais comme une... Je rêvais. Les rêves sont une source d'écriture essentielle. T'es quand même pas payé pour ta résidence, ils te logent gratis, c'est ça? C'est mon métier, je suis payé pour exercer mon métier. Pas gêné, moi aussi je peux faire auteur. Top chrono, la formation a commencé, tic tac tic tac top, la formation est finie. Où est-ce que je me couche? Je vais aller fumer une clope, moi. Je peux t'en taxer une? Foule camp. Quoi? Foule camp, je te dis. Toi, foule camp. Quoi? Tu crois que tu me fais peur, Victor Hugo? Victor Hugo? Oh, tu connais Victor Hugo? Le footballeur, ouais, bien sûr que je le connais. Mais non, pas le footballeur. Victor Hugo, c'était un écrivain. Ah bon, c'est pas un footballeur. Peut-être, après tout, qu'est-ce que j'en sais? Tu me la files, cette clope, Quasimodo? C'est le diable qui t'a envoyé? Le diable, il bosse pour moi, c'est moi qui l'envoie, tu veux que je l'appelle? Faut vraiment que tu sois un romancier de merde pour t'offrir des résidences aussi minables. Je parie que t'as même pas de bureau chez toi. Tu vis dans une chambre de bonne avec les chiottes sur le palier. T'en chies grave de chez grave. T'en chies toute ta salive, toute ta merde. T'en chies tout ce que tu peux en chier. Toi, t'es un peu la Cosette des bouquins, pas vrai? Oh, tu me réponds quand je te parle, Cosette? Tu sais que Cosette et Quasimodo, c'est des personnages de romans? C'est Michel Platini qui les a écrits. Abruti. Fils de pute! Attention, si tu le touches, dis à tout le monde que l'écrivain est en résidence dans le collège parce qu'il aime jouer à touche-pipi avec les garçons. Gros cul! T'es tout pâle, tu respires fort, calme-toi, pense à ton cœur, il va péter ton gros cœur plein de graisse. Merde! Merde, oh, la vilaine insulte, merde, oh, c'est méchant. Tu crois que je vais me tirer d'ici? Tu crois que tu vas gagner ma chaise? Tu te trompes, je ne bouge pas d'ici, c'est toi qui t'en vas. Blablabla. Et ferme ta gueule. Toi, ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Pathétique, ça se dit écrivain et sa gueule comme un putois sur un petit jeune homme avide de littérature. Me la joue pas, petit sourire. Vous êtes célèbre dans votre village? Suffit. Sans déconner, vous crèchez où? Je vous jure que je vais pas mettre le feu à votre immeuble. Paris. Moi aussi j'habitais Paris. Vous êtes célèbre? Je ne veux pas te parler. Vous êtes pas célèbre. Vous puez la loose. Vous puez le gros nounours qui a plus de griffes. Vous avez une femme? Faut me la présenter, votre femme. Qu'elle voit enfin ce que c'est qu'un homme! Eh ben quand même!

Dégage, petit con de merde. Tu schlingues. Casse-toi. Tu fuis des pieds. Vous pouvez répéter là. Y a pas écrit Coco le perroquet, petit merde. Pourquoi vous me parlez comme ça? Je te parle comment? Comme un chien, comme si j'étais une merde. T'es une merde. T'es le cœur même de la merde. Y a la merde, et toi tu en es le centre. Le cœur de l'étron. Vous avez pas le droit de parler comme ça aux élèves. T'es pas les élèves, t'es une petite merde, avec deux gens qui puent. Vous êtes écrivain, vous pouvez pas parler comme ça, faut montrer l'exemple. Quel exemple? Vous pouvez pas dire merde tout le temps, c'est pas vos mots. Tu pues des pieds, on dirait que t'as 5 ans. Continue de me vouvoyer. Tu rêves. Moi j'étais venue bien posée, plein de bonnes résolutions, genre il se fait flinguer par tout le collège. Les bons costards à Papa Brossard, ça devient tellement la mode que je voulais calmer le jeu, moi. Mais tu me parles avec de la merde plein la bouche alors que je venais gentil mignon de caresser dans le sens des poils. C'est pas bien. Casse-toi, la merde! Arrêtez, je vous dis, ça se fait pas. Faut pas que vous parliez comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes écrivain. Vous êtes auteur de bouquins. Il y a pas merde à toutes les pages dans vos... Je t'encule! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit je t'encule! Maintenant, casse-toi, je dois écrire. Sur ma vie, ça me choque. Qu'est-ce qui te choque, petite arrête, merde? Arrête, je te qu'est-ce dis, arrête. Qu'est-ce qui te choque? Vous êtes écrivain, merde. Vous avez oublié ça ou quoi? Il faut rentrer chez vous, hein, sinon vous allez finir collégien. Un type qui écrit, il utilise pas de gros mots pigés. Alors toi, tu peux en utiliser et moi pas. Moi, c'est moi. Moi, c'est mes mots. Toi, c'est tes mots. Est-ce que je vous prends vos mots, moi? Non, je vous laisse peinard avec vos adverbes et vos phrases bien compliquées qui ont mis la migraine à tous les quatrièmes. C'est quoi le contraire de fan club? Parce que c'est ce que vous avez en gros. Tu m'aimes bien. Quoi? Tu m'aimes bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu me fais penser à un chien que j'avais quand j'étais petit. Un bâtard avec la truffe abîmée. Il me faisait pitié. Tu me fais penser à Kiwi. Qui s'appelait Kiwi. Allez, bonne journée, Kiwi. Écris-le ton chef-d'œuvre. Qu'est-ce que tu me veux encore? Rien, c'est le week-end. Je me suis dit que vous alliez pas me voir pendant 2 jours et que j'allais vous manquer. Alors voilà, je passe pour vous consoler. C'est gentil. Faut pas m'en vouloir pour ce que je vous ai dit ce matin. À propos du chien Kiwi? Non, pas ça, à propos de ce que disent les quatrièmes. Ils sont jeunes, faut les pardonner. Et pour Kiwi? Pas d'excuses. Je l'ai adoré ce chien, pourquoi je devrais m'excuser? Si je vous compare à lui, faut vous sentir honoré. Franchement, c'était le meilleur des cleps. Il rapportait même les bâtons que t'avais pas lancés. Il volait tout ce qui dépassait chez les voisins, les parapluies, les nains de jardin, les outils. M'en fous de ton chien. Merci d'être passé, salut. Ok, à lundi. Ah non, pas lundi. Pourquoi pas lundi? Parce que lundi, je reste chez moi. Et votre résidence? Une semaine par mois, minimum. C'est le contrat, je ne peux pas venir moins d'une semaine, mais je peux décider de ne pas venir davantage. Vous revenez quand? Mois prochain. Ah bon? Tu as l'air déçu. Déçu de quoi? Déçu ton cul, ma boule. Non, très bien, j'avais peur de te faire de la peine. Comme si vous pouviez me faire de la peine. Allez, rentre chez toi, gros bille. Je rentre. Franchement, tu viens de Paris tous les jours, tu rentres tous les soirs? C'est à 1 heure de RER, tu sais, c'est pas l'Australie. Hein. Je sais pas. Tu n'es jamais allé à Paris? Quand j'étais petit, j'y habitais. Tu en as des souvenirs? Je suis montée sur la tour Eiffel, mais je me souviens plus. C'est tes parents qui te l'ont raconté? Ma mère. Et ton père? Quoi, mon père? Il est où? Chez moi, avec ma mère et ma petite sœur. Tu croyais qu'ils étaient divorcés? Allez, bon week-end. Vous auriez pas un de vos bouquins à me prêter? Pourquoi faire? Caler une armoire, pauvre con. Le lire. En tout cas, essayer, jeter un œil, quoi.

à mon tour. Je me vois en train de taper MDR sur le clavier de mon smartphone. Je suis con ou quoi? Je cherche quoi là? Je cherche la merde moi? Je cherche à foutre la merde à moi-même? Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas lui dire je mange des chips et des Kinder Bueno. Non, je réponds dîner en ville avec des amis comédiens. Elle répond waouh! J'hésite un long moment avant d'ajouter quelque chose à son waouh. Finalement, j'envoie un quatrième texto. Et toi? Qu'est-ce tu fais? Je n'ai jamais écrit qu'est-ce que tu fais en un seul mot. Jamais avant mon texto pour Alix, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Quand j'écris un texto à Marie-Claire, il fait 15 lignes. Je mets les points, les virgules, parfois les points, virgules. Sur mon lit, petite culotte, je pense à toi. Je n'aurais jamais dû lui demander ce qu'elle faisait. Je n'avais aucune raison de m'intéresser à ce qu'elle faisait. J'attendais qu'elle me parle de Maximilien. Qu'elle finisse par me parler de lui, par me dire les choses que je voulais entendre. Vous n'y êtes pour rien, monsieur. Pour rien du tout, votre livre non plus. Un livre ne peut pas sauver la vie de quelqu'un, il ne peut pas non plus la lui prendre. Au lieu de ça, sur mon lit, petite culotte, je pense à toi. Au lieu de briser là, d'envoyer la gamine valser dans les cordes, je tape sur mon clavier les mots suivants. On nous sert un magnifique bœuf bourguignon. Elle répond... Comprends pas. J'arrête les frais. Je jette mon téléphone en travers de la pièce comme si c'était un crabe. Tu dis plus rien. Please, réponds. Bon ben, tant pis, je me rhabille. Je déconne, je suis en pyjama. Bon allez, fais pas la gueule. T'es trop occupée avec tes amis? Je te laisse. Allez quoi, SOS. SOS. Bonne nuit avec ton bœuf bourguignon. Comment on efface ces trucs là? Faut que j'efface les mots qui traînent, la petite culotte, le bœuf, qu'est-ce qui m'a pris? Bien dormi. Non. Ah bon? Tu peux sortir de la salle, j'ai besoin de me concentrer. J'ai vraiment besoin de me concentrer un maximum. J'ai besoin d'un maximum de concentration. Je plaisantais hier soir, c'était pour rire. J'étais pas en petite culotte sur mon lit, j'avais un vieux t-shirt qui m'arrive au genou. Ce serait formidable si tu pouvais te taire maintenant. Je peux rester si je me tais? Non! C'est pas chez vous le collège. J'y suis plus chez moi que vous chez vous. Je vais aller dire à mon père que vous me harcelez, que vous m'envoyez des textos lubrifiés. J'ai les preuves dans mon téléphone. Ça pourrait vous coûter cher de jouer avec une fille de mon âge. C'est ma grande sœur qui m'a appris à calmer les hommes. J'ai une grande sœur, il faut la voir faire un danger public. Elle s'appelle Jean-Siane. Vous avez vu ma petite technique? Grâce à moi, vous êtes calme. C'est super quand vous êtes posé comme ça. J'ai une chose à vous demander. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous écriviez notre histoire à Maximilien et moi. Comment ça? Je sais que ce que vous cherchez, c'est rien, écrire sur rien, écrire un livre qui parle de rien. Franchement, comme idée, c'est trop con. Si on écrit, c'est pas pour rien, non? Sinon, autant rien faire directement. Comment tu sais ça? On a internet à la maison, on vit pas sur une dune en plein désert. Écrire un livre sur rien ne revient pas exactement à ne rien faire. Il sera à chier votre bouquin, personne le lira. Il servira à rien, il servira à personne. Il servira qu'à vous, à vous faire plaisir, à vous, personne d'autre. Il y aura personne au bout de votre livre. Si vous écrivez, c'est quand même pour quelqu'un, non? Non. Toutes les choses qu'on fait, c'est pour quelqu'un. Ça aussi, c'est ma grande sœur qui me l'a appris. Eh ben, ta sœur, c'est une grosse conne. Quoi? Tu commences à me courir sur le haricot, toi! Tu vas voir mon père! Tu balances tout! Tu vas voir qui c'est, la grosse conne! Si j'ai envie d'écrire un bouquin sur rien, j'écris un bouquin sur rien! Merde! J'en écris deux, même, sur rien, pour rien, pour personne, si je veux, petite pute! Je vais t'éclater la gueule, moi! Comme si tu savais ce que c'est qu'une œuvre littéraire! Va voir ton père! Rien à foutre! Il s'est rien passé! J'ai rien à me reprocher! Cet texto, c'est du pipi de chat! Bien sûr que je vais écrire un livre sur rien. Bien sûr que oui. Ce sera un grand livre. Un grand livre sur rien. Une aventure. Une aventure de l'esprit et de l'être. Dans la langue, c'est ça, c'est la langue. Évidemment, tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que la langue, petite connasse, ta grande sœur non plus. Vous êtes deux connasses, vous comprenez rien. C'est quoi ça? Un gâteau. Ce que tu fous avec un gâteau, c'est ton père qui me l'envoie, le Faro Pruneau? Non, c'est la documentaliste, Madame Filange. Quoi? La documentaliste. C'est qui la documentaliste? Madame Filange. Je la connais. Qu'est-ce que j'en sais? C'est la documentaliste qui t'a dit de m'apporter ce gâteau. Elle m'a chopé dans le couloir quand je suis sortie, genre essoufflée, perturbée, je sais pas. Elle m'a demandé si je pouvais vous déposer le cake parce qu'elle voulait pas vous déranger. Elle a dit que ça servait à rien, qu'elle vous verrait en salle des profs à midi. Elle est comment, Madame Filinge? Une petite brune avec des lunettes de vieille. Elles sont toutes comme ça dans la salle des profs. Elle a l'air de vous connaître. Ah bon? Elle a les yeux vachement bleus, elle porte tout le temps des jupes genre « j'ai faim !» Ah, ah. Valérie. Bah oui, bon, d'accord. Vous connaissez son prénom, mais vous savez pas que c'est la documentaliste du collège. Vous vous parlez de quoi en salle des profs? Non, non, on n'a jamais vraiment... Bon, écoute, ça ne te regarde en aucun cas. Pose ce gâteau et retourne en cours. Tu n'as pas cours? On dirait que tu n'as jamais cours. Si, j'ai cours. Alors, ciao. J'ai pas été voir mon père. Pourquoi? Je suis tombée sur le taré qui m'a refilé son cake. Tu veux aller voir ton père maintenant? Pas envie. Pourquoi? Je veux que vous écriviez notre histoire à Maximilien et moi. Que j'écrive votre histoire? Pas besoin que ce soit un long roman. Je n'écris pas sur commande. Je vous commande rien, je vous le demande, c'est tout. Max aurait été super fier que vous écriviez notre histoire. Même si ça prend que 3 pages, vous êtes quand même un vrai écrivain. File en cours! Ça a sonné depuis un bail, ne mets pas ton père dans une situation délicate. On peut se voir en fin de journée? Non! Je serai là à 17h. Si vous partez avant, je vous jure qu'un de ces jours, on retrouvera une de mes petites culottes au fond de votre poche. Je t'écoute! Quoi? Raconte. Quoi? Votre histoire. Vous prenez des notes? Si tu veux, tu as 10 minutes. J'écoute. Max et moi, on s'est rencontrés ici, dans un couloir. Il avait tagué ses initiales sur une porte. Trop beau le tag! Max y taguait, il graffait comme un dieu. J'ai passé je sais plus combien de temps, la vie entière devant son tag. C'est sûr, au moins toute la vie. Je crois que je suis d'abord tombée amoureuse de ses initiales. M. H. Dans la cour, j'ai demandé à Sonia d'aller le voir de ma part et de lui dire que je le trouvais trop canon, trop beau et que je voulais qu'il tague mes initiales sur une porte. Je la regardais de loin. La grosse Sonia, j'ai pris exprès Sonia parce que c'est un boudin de compète, la plus moche de mes potes. Comme ça, j'étais sûre qu'il allait pas flasher sur elle tellement c'est du gros ton rouge du Japon, la Sonia, faut la voir. Mais elle est super gentille. Elle lui a parfaitement bien demandé ce que je voulais. Y a que les moches pour bien demander ce genre de truc. Max, il est venu vers moi, dans sa veste kaki comme s'il était dans l'armée, avec même les écussons qui tuent. Il s'est approché. On aurait dit un défilé de mannequins à lui tout seul, je vous jure, j'avais les genoux, il se cognait, clac, clac, trop lente mes genoux. Sonia, je lui dis, dégage maintenant, merci, à tout à l'heure, monsieur, vas-y, dégage. Et je la connais, elle serait restée là à mater si on s'embrassait tout de suite. Merci, on s'arrête là, j'ai ce qu'il me faut. Quoi? J'ai déjà pas mal de matériaux. C'est quoi le matériau? Ce que tu viens de me raconter là, je vais écrire quelque chose à partir de ça. Il y a même pas le début, c'est que le début du début que vous avez. C'est pas l'histoire de Max et moi, c'est ce qui s'est passé avant l'histoire. La suite demain. Je te proposerai des exercices d'écriture, j'accumulerai le matériau nécessaire pour écrire dans les semaines qui viennent. Le mois prochain, je t'apporterai ton texte. Et après, vous allez la publier, notre histoire? Nous en sommes satisfaits, pourquoi pas? Vous garderez nos vrais prénoms? Bien sûr. Il faudra écrire une dédicace sur la première page. Il faudra dire que ce livre est pour Max et Alix. Très bien. Il faut arrêter d'écrire des livres sur rien, hein, qui s'intéressent franchement. Des gens très bien, des gens intelligents, figure-toi. Vous écrivez des livres que pour les gens intelligents? Non. D'après ce que vous dites, c'est les gens intelligents qui s'intéressent aux livres sur rien. Je n'ai pas dit ça. De toute façon, vous feriez mieux d'écrire des livres qui veulent parler de quelque chose à quelqu'un. Moi, j'ai pas besoin de vos bouquins, hein, pour savoir que tout ça ne sert à rien. Que mourir, c'est nul. Que vivre, c'est pas terrible non plus. Me taper 300 pages pour apprendre ça, merci bien. Moi, ce que j'aime, c'est les livres où il y a une licorne. Le soir, j'ai appelé Valérie Filinge. Valérie le phare au pruneau, la mini-jupe. Valérie qui fait partie de ces rares spécimens de femmes que la littérature excite encore. Je lui dis, Valérie, c'est Rémi. Elle fait, Rémi. Oh, ouh, ouh, Rémi, ouh, ça me fait vraiment super plaisir que tu m'appelles, comment ça va? Je lui dis, écoute, j'avais envie de papoter. Papoter, j'emploie le verbe papoter, j'avais envie de papoter. Ouh, c'est vraiment super que tu m'appelles parce que justement je me demandais à qui j'allais pouvoir me plaindre ce soir de l'éducation nationale et tes dysfonctionnements. Non, je déconne, je vais quand même pas t'ennuyer avec ça, mais enfin, ce collège c'est quand même du grand n'importe quoi, hein. Là, un blanc. Un grand blanc. Rémi. Toujours là. Oui, oui. Toujours là. Ah, au fait, merci encore pour ton phare au pruneau, il était succulent. Hein? Ouh, je t'en prie, Rémi. Je trouve ça tellement généreux de ta part de te rendre accessible à nos élèves. Les pauvres, ils en ont bien besoin, hein? Rémi? Oui. On dirait que ça coupe, des fois. Eh oui. Excuse-moi Valérie, mais la gamine du proviseur, tu la connais? Évidemment que je la connais, elle est au collège. Elle passe son temps au CDI. Tout le temps fourrée dans les bouquins, cette gosse. Ah bon? Oh, oui. Encore plus depuis le... Tu sais bien, le drame. Mais son état psychologique, que penses-tu de son état psychologique? Oh, elle est très fragilisée, hein. Tu sais qu'ils sortaient ensemble avec le petit qui s'est pendu? Oui. Oui, je sais. Pourquoi tu me demandes ça, Rémi? Pour rien, elle fait partie des gamins qui passent me voir, c'est tout. Ah, oh, oui, ça m'étonne pas, hein. Et elle te parle? Elle te dit des choses? Un blanc. Encore un blanc, soudain, honte. Honte à entrée multiple. Honte d'écrire des pages merdiques pour cette gamine. Honte de lui avoir adressé des textos équivoques. Honte de parler d'elle à la documentaliste du collège, comme si je la trahissais. Il faut que je te laisse, Valérie. D'accord, Rémi, bien sûr. J'imagine que tu dois retourner à ton... livre. Est-ce que tu écris plutôt la nuit? Oui. Non. Comment répondre à Valérie Filinge qu'en ce moment et depuis un certain temps, je n'écris ni le jour, ni la nuit? Bon, c'était sympa de papoter, tous les deux. Oui, c'était sympa. Tu seras là demain? Oui. Je serai là. Dernier jour avant un mois de répit. Ouh, vénard. Un mois, c'est hyper long. Je ne dois passer qu'une semaine par mois au collège, j'obéis volontiers aux contraintes. Tu peux venir sur Paris si vous voulez qu'on continue l'histoire. On peut commencer. J'aimerais que tu notes 10 souvenirs, ce que tu partages avec Maximilien, que tu as partagé avec lui. Heureux ou malheureux, une phrase par souvenir, tu ne développes pas comme un générique. Pourquoi 10? Parce que... C'est tout? C'est tout. Quand Maximilien a tagué mes initiales sur la porte d'une armoire électrique, en plein jour, de la main gauche, pendant qu'avec la droite, il me caressait les cheveux, trop de la bombe, son tag, A.W. Nos baisers dans la cour, devant tout le monde. Toutes les fois où on a pris un RER sans billet, et puis quand on est allé à Barbizon... J'en ai déjà 3. C'est bien. Sa veste diesel que je lui ai achetée pour Noël. Quand on s'est disputé la première fois à cause de cette grosse timbre de Mathilda qui fait genre « Je l'ai pas maté ton cum, rien à foutre, il est trop moche, tu parles grosse timbre, tu baves rien qu'à le voir. Mathilda, faudrait la chaise électrifiée. » Quand il m'a fait l'amour la première fois, speed, mais trop bien. Et puis les autres fois, speed, et de mieux en mieux. 6. Quand il me lisait des trucs compliqués, mais pas des trucs qui parlent tellement de rien que ça devient compliqué. Non, des trucs qui parlent de tas de trucs compliqués qui servent à comprendre le monde et les autres. Son chien, il l'avait appelé Barjo le Corneau, et il me reniflait toujours là où il faut pas renifler. Le t-shirt incroyable qu'il m'a offert pour mon anniversaire. Avec le tigre en paillettes. 9. Les diabolos qu'on allait prendre chez Christian et Christiane. Ah oui, et puis les glaces à la pistache, bien sûr. Je sais, ça fait 11, mais je peux pas oublier les glaces à la pistache. 11. Comment ça, 11? 10, j'aime pas. 11, j'aime bien. Et encore, normalement, je préfère 14, vu que c'est mon âge. Maintenant, tu vas ouvrir ces livres. Les uns après les autres, dans l'ordre que tu souhaites, autant de fois que tu le désires, à n'importe quelle page, et tu vas produire un inventaire des fragments sur lesquels ton regard tombe au fil des pages, les fragments qui t'intéressent, qui te séduisent ou qui te révulsent. Au hasard? Au hasard, oui, tu ouvres ces livres au hasard. Le hasard a sa propre créativité. Fragment, ça veut dire quoi? C'est un mot ou une petite suite de mots, un maximum de 3 mots qui se suivent. Je garde combien de fragments? Une quinzaine. 14. Je hais ces exercices. Je hais les ateliers d'écriture, c'est ours pas mon truc. Polaire, invisible. Faire écrire les autres, j'ai horreur de ça. Souffle. Farfouiller dans les autres comme pour ça. Pour me repousser. Sur la table, j'ai disposé 5 livres. Comment descendre un escalier? Choisis presque à au hasard. L'infini? Dans ma bibliothèque. Mon premier mariage. Richard Brautigan, 1, 2, 3, Il pleut en 4, amour. 5, Claude 6, Simon, 7, La 8, route 9. Des Flandres. Franz Kafka, Protecteur. J'ai... Samuel Beckett, Premier amour. Francis L'épiderme Ponge. Extrêmement mince. Le parti pris des choses.

Oh là là, tout ça est difficile à encaisser, c'est vrai. Moi, je ne sais pas ce qu'on va faire de notre jeunesse. Se croire au cœur des choses et passer à côté de tout. Bonjour. Bonjour Alice. Alix. Arrête. Quoi ? Alice Fischer. Quoi ? Ne m'explique pas. Quoi ? Tous les mensonges. Ne m'explique pas. Des mensonges ? Quels mensonges ? Voilà ton histoire. Alors c'est vrai. Vous l'avez écrite. C'est bien ? Merci. Je suis pas une menteuse. Je préfère Alix à Alice. C'est tout. Et puis, j'ai le droit d'être amoureuse. Non ? Ours polaire invisible. Maintenant le souffle. Pour me repousser. Son cou. Comment descendre un escalier? À l'infini? Mon premier mariage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai l'épiderme extrêmement mince, fragile et rose. Dire aux gens, dire aux gens, dire aux gens.